Bonjour à tous et bienvenue sur Agro J'écoute. Je m'appelle Arthur Fraresso et je suis avec Clémentine Prévost et Lucie Ducamp. Nous sommes trois étudiants à l'école d'ingénieurs de Purpan et nous enregistrons ce podcast avec Campus FM. Durant ce podcast, nous allons vous parler des mycorhizes, le réseau secret au service du sol. Agro J'écoute, ça commence maintenant. Agro J'écoute, l'émission où les étudiants de l'école d'ingénieurs de Purpan prennent le micro pour nous parler d'agronomie, d'environnement, d'agroalimentaire et d'agriculture. Agro J'écoute, une émission préparée et conçue par Sophie Yvon et Simon Giuliano. Les paysans ne sont pas les seuls dans le département de l'Aveyron à s'en prendre au symbole de l'industrie agroalimentaire. Tous les produits en cidre devraient être interdits. En partenariat avec Campus FM, l'Université fédérale de Toulouse et l'école d'ingénieurs de Purpan. Alors aujourd'hui, nous allons parler des relations qui existent entre les mycorhizes, donc qui sont des champignons, et le sol. Pour commencer, nous allons définir qu'est-ce que le sol. Alors le sol, c'est la couche superficielle de la terre et qui est composée de plusieurs éléments, que ce soit des minéraux, de la matière organique, de l'air, de l'eau ou alors des organismes vivants. Ces minéraux, cette eau et cet air constituent un lieu essentiel, notamment pour la régulation des cycles de l'eau, des nutriments, mais plus généralement le maintien de la vie sur Terre. Donc je vais vous parler un peu plus précisément de la composition de ce sol. Donc il y a une première partie, la partie minérale, donc qui est représentée à 45% dans le sol. Elle provient du coup de la dégradation des roches mères, qui inclut des particules de différentes tailles, comme les argiles, les limons et puis les sables. Ensuite, on va retrouver de l'eau, donc pour 25%. Elle est présente donc dans les pores du sol et elle est essentielle pour la vie des plantes et des organismes du sol. Elle peut être soit retenue, soit infiltrée vers les nappes phréatiques. Ensuite, on va retrouver de l'air. L'air se trouve dans les espaces poreux. Les espaces poreux sont des petits espaces vides du sol et ils permettent la respiration des racines et des micro-organismes. Ensuite, on va retrouver la matière organique pour 5% de la composition du sol. Il est composé de restes de végétaux, d'animaux, de micro-organismes qui sont en décomposition. Donc la matière organique, elle fournit des nutriments aux plantes et améliore la structure du sol. Enfin, on va retrouver les organismes vivants. Ça comprend les bactéries, les champignons, les vers de terre, ainsi que les insectes et autres organismes qui participent à la formation et à la fertilité du sol. Donc pour revenir sur l'importance du sol, c'est une ressource essentielle mais non renouvelable à l'échelle humaine. Sa préservation est cruciale pour l'agriculture ainsi que la biodiversité et la gestion durable des écosystèmes. Alors effectivement, il faut préserver les sols, puisqu'aujourd'hui, une très grande partie des sols agricoles se retrouve dégradée. Et oui, c'est vrai qu'il faut savoir qu'il y a 30% donc de nos sols mondiaux et 70% des sols européens qui sont considérés comme dégradés ou en mauvaise santé. Et c'est quelque chose qui touche très fortement les espaces agricoles. Et au sein des espaces agricoles, il y a 80% de ces dégradations qui sont en fait liées à des pratiques agricoles intensives. Donc, qu'est-ce qu'on entend par agriculture intensive? C'est des systèmes de production agricole qui visent à maximiser les rendements sur une surface. Et ensuite, donc, les pratiques intensives, donc ça va être par exemple de la monoculture, donc implanter toujours la même culture sur la même parcelle. Ça peut être également certains travaux du sol, donc notamment le labour, qui est un travail profond du sol, qui en fait peut perturber la structure et la vie du sol, parce que ça retourne les différentes couches du sol. Et enfin aussi, évidemment, l'utilisation excessive de certains intrants chimiques ou encore l'utilisation de certains produits phytosanitaires. D'accord, donc l'agriculture intensive avec toutes ses actions dégrade le sol, mais concrètement c'est quoi un sol dégradé? Alors en fait un sol dégradé c'est un sol dont les caractéristiques naturelles qui permettent son bon fonctionnement sont modifiées ou détériorées, donc ce qui rend le sol beaucoup moins efficace. Donc les caractéristiques naturelles sont par exemple les capacités à produire des cultures, à stocker de l'eau ou encore à soutenir la biodiversité. Donc ces dégradations, elles sont liées à des pratiques telles que, donc si je reprends l'exemple de Lucie sur le labour, donc un labour utilisé de manière excessive, il va perturber la structure du sol, détruire les agrégats. Donc pour revenir sur les agrégats, ce sont des petits grumeaux formés naturellement par l'assemblage de petites particules de sable, de limon et d'argile qui vont former les mottes de terre. Donc ce labour intensif va exposer les particules fines du sol à un risque plus accru d'érosion. Et donc l'érosion, c'est la perte du sol causée par l'eau de pluie et les ruissellements qui entraînent la perte des couches superficielles dans lesquelles se trouve la plus grande partie de matière organique. Et donc en fait, pour revenir un petit peu sur les sols dégradés, c'est des sols qui en fait perdent certaines fonctionnalités, on pourrait dire, des capacités. Et on va avoir par conséquent des pertes de production donc, sur nos parcelles. Et donc ça peut poser question après si... Donc il y a beaucoup de sols dégradés en mauvaise santé. Qu'est-ce qu'on va être capable concrètement de produire là-dessus? Et ça peut soulever des questions ensuite de sécurité alimentaire. En effet, vous semblez assez pessimiste quand vous parlez des sols dégradés, mais un sol en bon état, ça a quand même de nombreuses richesses. En effet, l'une des plus grandes richesses, c'est que le sol possède un quart de la biodiversité mondiale. Donc si vous prenez une simple motte de terre, dedans vous y trouverez 50 km de racines de plantes, c'est un peu plus qu'un marathon, 500 km de filaments de champignons, ce qui correspond approximativement à la distance Paris-Lyon, également 100 milliards de bactéries, donc c'est à peu près 12 fois la population de la Terre, et puis 5000 insectes, sans oublier les vers de terre. Effectivement, c'est une très grande diversité d'organismes vivants et nous allons nous focaliser à étudier les mycorhizes, donc qui sont des filaments de champignons. Et pour ce faire, je vous propose d'écouter un audio qui est tiré d'un podcast de France Culture, publié le 29 octobre 2024, dans lequel Tatiana Giraud, ingénieure agronome directrice de recherche au CNRS, va nous parler un petit peu des relations qui peuvent exister entre la nature et les différents organismes. Alors, ce qu'est la biodiversité, c'est autre chose que les services écosystémiques. Ce qu'est la biodiversité, donc déjà, c'est important à le comprendre qu'on a souvent une idée fausse de la biodiversité, comme justement bah, quelques petits papillons, quelques baleines, quelques tigres, mais en dehors de leur écosystème. Alors que la biodiversité, c'est un nombre d'espèces, mais aussi donc une diversité à l'intérieur des espèces, mais surtout des interactions entre les espèces. Donc, on peut pas conserver une espèce d'arbre sans conserver ses pollinisateurs. Un arbre, il ne peut pas pousser sans les champignons avec qui il fait des symbioses, sans ses disperseurs de graines qui sont des petits animaux. Alors, comme vous avez pu l'entendre, la biodiversité, ce sont surtout des interactions. Et certes, l'on connaît de nombreuses interactions qui peuvent s'effectuer dans les océans, dans les mers ou sur Terre, comme notamment les interactions entre les insectes pollinisateurs et les fleurs, mais on s'attache très rarement à regarder ce qui se passe sous nos sols. Alors que, comme l'a dit Clémentine plus tôt, dans le sol, il y a une vraie biodiversité très riche qui peut être importante pour l'agriculture. Et donc nous allons nous focaliser un petit peu sur les mycorhizes et le rôle qu'elles ont pour l'agriculture. Donc Lucie va nous définir un petit peu qu'est-ce que sont ces mycorhizes, parce que je pense que très peu de personnes connaissent ce mot. Donc alors les mycorhizes, donc déjà c'est des champignons, et ces champignons en fait qui vont venir faire une association symbiotique avec une plante, et donc ça va se faire au niveau des racines. Donc pourquoi on parle d'association symbiotique? C'est parce qu'en fait c'est quelque chose qui va avoir des effets bénéfiques pour les deux partenaires, et pour la plante et pour les champignons, donc ici sont les mycorhizes. Et donc les champignons, eux, ils vont favoriser l'accès à des nutriments, donc comme ça peut être de l'azote, du phosphore, du potassium, ainsi que de l'eau, donc pour la plante. Et en échange, la plante, donc elle va faire son processus donc de photosynthèse, et donc les sucres qu'elle va produire, et ben elle va en donner une partie aux champignons. Donc ça va les nourrir. Donc effectivement, si on pouvait imaginer un petit peu cette explication, on pourrait voir les mycorhizes comme une toile d'araignée qui se propagerait dans le sol et qui serait en capacité de puiser des nutriments et de l'eau plus profondément que les racines ne peuvent le faire. On peut par exemple noter ce nombre. Les mycorhizes permettraient d'augmenter entre 40 et 1000 fois l'espace dans lequel ils peuvent capter de l'eau comparé aux racines. C'est vrai qu'il faut voir ces mycorhizes comme la partie souterraine des champignons que l'on trouve dans nos assiettes. En fait, ces champignons peuvent vraiment jouer un rôle immense, et presque toutes les cultures capables de faire ces associations symbiotiques, à l'exception d'une famille comme les brassicacées, par exemple, avec les choux, le colza, la moutarde, ainsi que les radis. Et concrètement, dans l'agriculture, quel est le rôle de ces mycorhizes? Alors, on va imager tout ça. Donc, il faut un peu voir le sol comme une grosse éponge, donc avec de nombreux tunnels, petits tunnels, et dans lesquels les racines des plantes elles vont venir explorer ces tunnels, quoi, les visiter. Et donc, les filaments des mycorhizes, eux, ils vont être plus nombreux, plus petits, et donc, ils vont pouvoir explorer beaucoup plus de tunnels. Et donc, au final, les mycorhizes pour la plante, elles vont lui permettre d'augmenter sa surface d'exploration et donc d'avoir accès à plus de nutriments et d'eau. Donc, effectivement, c'est un gros avantage pour l'agriculture. Et de ce fait, on pourrait se demander comment un petit peu encourager la propagation de ces mycorhizes et notamment en faveur de leur développement dans le sol. Donc pour un petit peu encourager leur propagation, donc il y a plusieurs leviers possibles. Donc l'un des leviers clés, c'est le maintien d'une couverture du sol, donc jamais laisser le sol nu. Et après, un autre levier important, ça va être de diversifier les cultures qu'on peut mettre sur la parcelle. Parce qu'en fait, en fonction des cultures, on va avoir des types de mycorhizes différentes. Donc c'est important d'avoir un peu une diversité de cette population. Et ensuite, un autre levier, ça va être au niveau du travail du sol. Donc essayer de limiter certains travaux du sol. Donc on pensera notamment au labour, qui est donc un travail profond, qui a tendance un petit peu à perturber, on va dire, la vie du sol. Donc limiter ce travail dans la mesure du possible, ça peut être quelque chose d'intéressant. Et un troisième point intéressant, c'est également l'apport de matière organique, donc par exemple sous forme de fumier. Et donc dans ce fumier, il va y avoir du carbone, et les champignons vont venir se nourrir de ce carbone, et donc ça va les permettre de manger, de prospérer. Je trouve très intéressant que tu nous parles un petit peu de cette matière organique, parce qu'aujourd'hui, la plupart des agriculteurs, ils utilisent des engrais minéraux. Et en fait, la différence entre les engrais minéraux et la matière organique, c'est un petit peu la différence qu'il y a entre de la soupe et des morceaux de légumes. Pour nous, les humains, la soupe, elle va être déjà mixée et prête à être digérée. Alors que les morceaux de soupe, eux, ils doivent être d'abord, les morceaux de légumes, pardon, ils doivent d'abord être mâchés, malaxés pour pouvoir être digérés. C'est exactement la même chose pour la matière organique et les engrais. Les engrais, eux, ils vont être directement utilisables par les plantes, alors que la matière organique, ils vont devoir être prédigérés, donc soit par des bactéries ou par des champignons, pour que la plante puisse utiliser les nutriments. Et on peut utiliser cette matière organique notamment pour recréer ce qu'on peut trouver dans la nature. Par exemple, dans une forêt, là où se développent les arbres, la principale matière organique qui retourne au sol, ce sont des branches d'arbres et des feuilles. Et donc, dans les sols des forêts, on va retrouver principalement certains types de champignons. Et bien, lorsqu'on va recréer, par exemple, un verger avec des pommiers, on peut essayer de recréer le même écosystème, donc en apportant de la matière organique basée sur des broyats, donc de branches ou des feuilles mortes. Donc je vais revenir un petit peu sur ce que Arthur et Lucie ont dit, mais du coup dans un sol on peut adapter l'amendement en fonction de ce que l'on veut favoriser, donc soit les bactéries, soit les champignons. Donc un amendement riche en azote va favoriser les bactéries, donc par exemple le compost de fumier, et un amendement riche en carbone va favoriser du coup les champignons avec par exemple l'apport de paille, de feuilles mortes ou de bois. Donc maintenant que vous savez un petit peu plus sur les mycorhizes, je vous propose de parler du lien des mycorhizes avec l'agroécologie. Mais avant cela, nous allons faire une petite pause. Et pour ce faire, je vous propose d'écouter une petite recette de girolles en omelette pour rester dans le domaine du champignon. Il s'agit d'une archive INA publiée en 1985. Alors comment faites-vous avec les girolles ? Les girolles, pas à la friteuse, mais à la poêle. Bon, alors la poêle est chaude. La poêle est chaude. On va y mettre un peu de graisse, toujours mon éternelle graisse. C'est-à-dire de la graisse de canard ou de graisse de canard ou d'oie, ce qu'on veut. Ce qu'on a sous la main. On va les mettre bien. Là. Nous allons les saler et les poivrer en même temps. Là. Ajouter de la persillade, ajouter de la persillade. Pense. Dans un moment. Dans un moment, on va les faire revenir quand même un petit peu, là. On va les faire revenir bien. Ah si, il faut quand même qu'elles cuisent au moins 5 minutes là. Même 5-10 minutes. Ah oui. Ah oui. Ah quand même. Et bien pendant ce temps, on va pouvoir fouetter un peu nos œufs. Je vais accélérer un peu le feu, bien sûr. Que je vais vous donner. Oui. Tout en même temps. Les œufs qui sont salés, poivrés. Et un soupçon de lait, bien sûr. Pour que l'omelette soit beaucoup plus légère. Là. On va laisser revenir un tout petit peu plus. Maintenant, on va y mettre notre persillade. Que voilà. Que voilà, partout, et ça les arranger. On va la laisser cuire une minute, la persillade. Et nous faisons l'omelette. Voilà, on rebat un petit peu. Et voilà. Alors là, les omelettes, il y en a qui les aiment baveuses, d'autres qui les aiment sèches. Ceux qui les aiment sèches les retournent dans une assiette, les font cuire dessous. Et les autres, on les roule et ils font cuire comme ça, c'est tout, comme une omelette normale. Alors j'espère que cette recette concoctée par Maïté vous aura ouvert l'appétit. Nous allons maintenant parler un petit peu du lien entre les mycorhizes et l'agroécologie. Et pour ce faire, je vous propose d'écouter Alexis Carteron. Malheureusement, il n'a pas pu être avec nous aujourd'hui, mais nous avons pu l'interroger pour qu'il réponde à nos questions. Alors bonjour à vous et merci pour l'invitation. Donc moi c'est Alexis Carteron, je suis enseignant-chercheur à l'école d'ingénieurs de Purpan et je suis aussi intégré à l'unité mixte de recherche d'INAFOR qui s'intéresse à la dynamique et l'écologie des paysages agriforestiers. Avant ça, en fait, j'ai obtenu un doctorat à l'Université de Montréal, au Québec, sur l'étude des mycorhizes au sein des forêts en Amérique du Nord, et particulièrement dans les forêts d'érable, où le fameux sirop d'érable est fait. Après ça, j'ai poursuivi mes recherches à l'Université de Milan, en Italie, pour mieux comprendre la formation des sols après la fonte des glaciers et de montagnes, pour voir un peu ce qui se passe et comprendre le rôle des organismes du sol, et notamment des champignons mycorhiziens. Donc maintenant, je continue de travailler sur l'écologie du sol en général, sur les mycorhizes, mais aussi sur l'effet du paysage, comme par exemple la présence de forêts anciennes aux alentours des parcelles agricoles. Donc maintenant que vous savez un petit peu qui est Monsieur Carteron, donc avant de rentrer dans le sujet de l'agroécologie, on lui a posé la question et on lui a demandé de nous expliquer un petit peu comment, au final, observer les mycorhizes lorsque, par exemple, on se balade dans la nature. Alors, il faut bien se rappeler que les mycorhizes sont des interactions entre les racines des plantes et des champignons mycorhiziens. Cette symbiose n'est pas forcément très facile à observer directement, mais on peut parfois la deviner en repérant les filaments fongiques dans le sol. Donc en fait, ces filaments, qu'on appelle aussi des hyphes, sont souvent blanchâtres et ils relient les racines des plantes au sol. Il existe deux grands types de mycorhizes, les ectomycorhizes et les mycorhizes arbusculaires. Et ces deux grands types, on peut les observer de façon différente. Donc pour les ectomycorhizes, par exemple, qui peuvent se former entre beaucoup de conifères et certains champignons, des champignons qui sont parfois très connus, hein, comme les cèpes, donc on peut observer au niveau des petites racines de ces conifères, on peut parfois distinguer à l'œil nu en fait des sortes de petits capuchons blancs à l'extrémité des racines. Donc si on observe ça, en fait, il y a des grandes chances que ça soit en fait une symbiose ectomycorhizienne. Pour les mycorhizes arbusculaires, c'est un peu plus complexe à observer et il faut un peu de matériel, mais ça reste quand même assez facile, c'est du matériel très basique. Donc en gros, il faut bien nettoyer les racines. Les plonger dans un bain-marie avec de la potasse pour ramollir les tissus. Et ensuite, il faut colorer les filaments des champignons grâce à un certain type d'encre bleue. Et en fait, ça permet de les observer facilement au microscope. Donc avec un peu de chance, si les racines sont bien colonisées, on peut voir les filaments fongiques, du coup en couleur bleue, à l'intérieur des cellules des racines. Et en fait, ces filaments forment parfois une structure d'échange en forme d'arbre miniature, au niveau des cellules des racines, et c'est ça qui a donné leur nom aux mycorhizes arbusculaires. On espère que cela vous donnera des idées pour les prochaines sorties en forêt. Et maintenant, nous allons centrer nos questions plutôt autour de l'agriculture. Et du coup, nous avons demandé à Alexis Carteron comment les mycorhizes s'inscrivent-elles dans l'agroécologie et quels sont les avantages. Alors oui, je pense que les mycorhizes jouent un rôle clé en agroécologie, car elles peuvent renforcer la résilience et la durabilité des systèmes agricoles et permettre de limiter les intrants. Donc il y a trois grands avantages, c'est l'amélioration de la nutrition des plantes, mais aussi de la santé des sols, et aussi de permettre d'avoir plus de résilience pour ces systèmes face aux stress environnementaux. Donc pour l'amélioration de la nutrition des plantes, en fait, les mycorhizes permettent d'optimiser l'absorption des nutriments. Donc les champignons qui sont associés en fait, augmentent la surface d'exploration des racines grâce à leurs filaments. Et ça peut permettre une meilleure absorption du phosphore, de l'azote et d'autres oligonutriments essentiels. C'est encore plus pertinent en fait dans les sols pauvres ou dans les sols qui sont dégradés. Avec une meilleure nutrition, ça peut donc améliorer le rendement, tout simplement. Donc en augmentant l'efficacité de l'utilisation des nutriments, les mycorhizes réduisent le besoin d'engrais, notamment les engrais chimiques, et bien sûr, indirectement, permettent de réduire, par exemple, la pollution des eaux, les émissions de gaz à effet de serre, mais aussi de réduire le coût et la dépendance liée aux produits de synthèse. L'amélioration de la santé des plantes, c'est aussi un autre avantage important. Les champignons mycorhiziens sont très importants pour la structure des sols et permettent de former des agrégats plus stables qui améliorent notamment l'aération, la rétention d'eau et la résistance à l'érosion. Donc en fait, ces réseaux qui sont formés par les mycorhizes, ils favorisent aussi les interactions entre plantes et micro-organismes du sol, et plus largement en fait la biodiversité. Et cette biodiversité, elle est importante pour la santé globale des sols agricoles. Donc ce point, c'est aussi en lien avec le dernier avantage des mycorhizes dans l'agroécologie, c'est l'amélioration de la résilience face aux stress environnementaux. C'est démontré depuis longtemps que les mycorhizes augmentent la tolérance à la sécheresse pour un bon nombre de plantes. On peut aussi facilement imaginer que c'est essentiel dans notre contexte actuel de dérèglement climatique et de pénurie en eau. Les mycorhizes, elles permettent aussi une meilleure résistance aux pathogènes en agissant directement comme une barrière protectrice, en occupant l'espace autour des racines, comme pour les actomycorhizes par exemple, mais aussi en stimulant les défenses naturelles des plantes. Donc évidemment, avec une meilleure résistance aux pathogènes, ça peut permettre de réduire la dépendance aux pesticides. Il y a même en fait certaines mycorhizes, certains champignons mycorhiziens, qui permettent d'inhiber directement les maladies au niveau des racines en produisant des composés antimicrobiens, ou en entrant même directement en compétition avec les autres pathogènes, les autres micro-organismes. Donc avec moins de pesticides, une biodiversité qui est favorisée, ça contribue forcément à un environnement agricole plus sain. Donc il y a quelques exemples pratiques de valorisation des mycorhizes en agroécologie, comme certains qui sont très connus, comme les couverts végétaux, les associations de culture ou les rotations. Et ça peut aussi permettre de maintenir en fait le réseau mycorhizien et la fertilité des sols sur le long terme. Donc l'idée, c'est que les mycorhizes, elles offrent beaucoup de potentiel pour concilier la productivité agricole, préserver les ressources naturelles et aussi réduire les impacts environnementaux. Donc là, M. Carteron, il a pu nous citer un rôle qui est clé donc, des mycorhizes dans l'agroécologie. Et donc nous, on s'est demandé, on lui a posé la question de pourquoi au final aujourd'hui c'est pas forcément très utilisé encore et mis en valeur en agriculture, et donc comment lui, il encouragerait ces pratiques-là pour favoriser les mycorhizes et que les agriculteurs donc, se servent un petit peu plus des potentiels de ces champignons. Alors, je ne suis pas très bien placé pour répondre à cette question, à savoir comment encourager les changements des pratiques agricoles. En fait, je dirais qu'il faut d'abord présenter les bénéfices et les coûts aux agricultrices, aux agriculteurs, sur le fait de favoriser les mycorhizes dans leur système, voir si cela convient à leur culture, et voir comment ils peuvent s'adapter et combien de temps ça prendrait. Donc, c'est sûr, je dirais que la communication est très importante, mais peut aussi se heurter à d'autres discours, notamment les discours des lobbies. Donc je pense que c'est vraiment problématique. Et ce n'est pas seulement lié au mycorhizes, mais c'est lié à l'encouragement de l'agroécologie en général. Donc maintenant qu'on a vu comment favoriser les mycorhizes, nous allons voir comment faire lorsque les cultures telles que le colza, la moutarde, ne peuvent pas réaliser ces symbioses. Alors pour les cultures qui ne forment pas de mycorhizes de façon générale, je pense qu'il faut miser sur d'autres pratiques agroécologiques, tout simplement. Certaines plantes, en fait, elles sont adaptées à exclure les champignons mycorhiziens de leurs racines. Et je ne pense pas que cela soit très bénéfique de les forcer à former cette symbiose. Mais bon, après tout, tout est possible. Donc là, on a fait un petit peu le tour sur l'aspect des mycorhizes en lien avec l'agriculture. Et donc, on voulait avoir le point de vue de M. Carteron sur l'importance en fait, de ces mycorhizes donc dans les écosystèmes en général et notamment dans les forêts où ils sont très présents. Alors, c'est sûr que je suis un peu biaisé en travaillant sur les mycorhizes, mais en fait, je dirais que les mycorhizes elles jouent vraiment un rôle essentiel dans tous les écosystèmes terrestres. Tout simplement car une très grande majorité des espèces de plantes s'associent avec des champignons mycorhiziens. Et ça leur permet une meilleure croissance, mais aussi une plus grande résilience face aux stress environnementaux. Donc c'est notamment le cas pour les écosystèmes forestiers, que ce soit dans nos forêts tempérées ou méditerranéennes, mais aussi dans les forêts tropicales ou boréales. Donc comme pour les cultures agricoles, en fait, les mycorhizes améliorent l'absorption des nutriments en étendant la zone d'exploration grâce au filament des champignons. Donc les mycorhizes permettent aussi une meilleure nutrition, mais une meilleure tolérance face au stress abiotique, comme les sécheresses, les températures extrêmes, même la salinité. Donc, et en plus, elle les protège face aux pathogènes. C'est aussi démontré en fait, que les mycorhizes favorisent la diversité des plantes, mais aussi des champignons, des micro-organismes, et aussi en fait, de la faune du sol, qui notamment se nourrit des filaments de champignons. Du coup, les mycorhizes sont très importantes pour ce qu'on appelle les cycles biogéochimiques, comme par exemple le cycle du carbone, en augmentant la croissance des arbres et en augmentant les taux de décomposition, mais aussi le cycle du phosphore en le rendant accessible aux arbres. Donc, sans oublier que les racines et les filaments des champignons mycorhiziens sont des acteurs majeurs dans la structure des sols qui est la base pour la productivité primaire. Donc maintenant, nous en arrivons à notre dernière question et nous lui avons demandé s'il savait quelles essences d'arbres planter dans une haie en bordure de champ pour favoriser les cultures et les mycorhizes. Alors, planter des haies en bordure de champ peut offrir de nombreux avantages pour les cultures environnantes, notamment la protection contre le vent, la régulation de l'eau, l'augmentation de la biodiversité, mais aussi pour la pollinisation. Donc, bien sûr, le choix des espèces dépend des objectifs spécifiques, mais aussi du sol, du climat et des cultures présentes. Donc, c'est vraiment un domaine de connaissances très intéressant. Il y a beaucoup d'organismes spécialisés dans ces questions, comme les associations Arbres et Paysages, par exemple. Donc spécifiquement pour les mycorhizes des arbres en bordure de champ, elles peuvent aussi te permettre de mobiliser les nutriments comme le phosphore, les oligoéléments et l'eau qui sont présents plus profondément dans le sol et hors de portée des racines des cultures. Donc je dirais qu'il faut surtout penser à implanter des espèces locales et adaptées dans un mélange le plus diversifié possible pour maximiser les bénéfices agroécologiques. Merci à vous pour ces échanges très intéressants. Nous arrivons maintenant à la fin de ce podcast. Au travers de ce podcast, nous avons pu voir le rôle que jouent les mycorhizes dans l'agriculture et nous pouvons retenir que, en favorisant la présence des mycorhizes dans le sol, nous ne pouvons être que bénéficiaires. Nous espérons avoir réveillé votre curiosité sur ce sujet. Enfin, nous voulons remercier les différents intervenants pour la création de ce podcast, que ce soit Alexis Carteron, les professeurs qui nous ont accompagnés, Sophie Yvon, Simon Giuliano, Adeline Gouvard. On remercie également notre école, l'école d'ingénieurs Purpan, ainsi que Campus FM. Merci pour votre écoute et à bientôt sur AgroJécoute.